Ah, voilà, c'est déjà tout pour ce guide de l'utilisateur d'assemblage requis. On a passé 3 heures à manger. Ça a juste pas arrêté. Presque aucune pause maintenant. C'est ridicule. Vous pouvez retrouver les recettes de Stéphanie Paradis dans Master Steph sur assemblagerequis.com et sur la page Facebook, facebook.com/assemblagerequis. Même chose pour mes nouvelles du fast-food dans une grosse pointe d'adresse. Tout est là-dessus. Et évidemment, vous pouvez écouter cette balado-diffusion de cette émission sur assemblagerequis.com et de toutes les émissions que nous faisons d'Assemblage Requis. Donc, allez-y. C'était Mathieu Plante de la part de Stéphanie Paradis et de toute l'équipe d'Assemblage Requis. Passez une excellente journée et à la prochaine. Bye! Thank you.